professionnel, j'fais sonner le son, façonne sans du piano. Après le solfège ou l'école, reçu de leçons. À devoir fouler le sol dans la salle, sur chaque clé de sol. Kiffé, t'es pas le seul, normal, l'ascar et si ça te console. Cahier gros, sa section souscrive, mon blast s'inscrit de ce l'ami. Dans les affaires, ça gère des ronds, on soulève. Pour le bifton, contre moi, fiston de ceux qui se lèvent tôt. Même si ici si, c'est plus KFC, McDo, Cresto, top resto. Trop de keufs à prendre, des et bistro. J'espère que le bistro ou son beefsteak dans mon bisgo. J'pèse, mais ils trompent pas l'ancienne rétro. Ouais, j'en pèse trop. Beaucoup me considèrent comme un rorty, un simple leur dit. Voici ma réponse, et t'en crois, j'vois, voilà ce que je leur dis. Mon échange de place, elle chante aussi si le cœur t'en dit. Vu du mon chaud lundi, tu constateras que même chez le bandit, on marque une pause et une seule condition. La journée remplie, on reste professionnel. Poste pour briller, bien grillé, bise, commence à me payer. Professionnel. J'bosse pour briller, bien grillé, bise, commence à me payer. Professionnel. J'bosse pour briller, bien grillé, bise, commence à me payer. Professionnel. J'bosse pour briller, bien grillé, bise, commence à me payer. Professionnel. Bon, on me voit comme si en rêve, ils savent que la table j'aime ça. Même si la bosse mon âme sœur, j'avoue je m'endrai pas la leçon. Demain je retiens la leçon, à part le caleçon, t'en sors seul. Je suis des affaires dans le business, dans le commerce qui en a le sens. Drogue rime avec rappeur, j'ai pas le rapport. Façon frappe pour un au port, cette espèce sur terre s'en va, s'évapore. Ma couleur fait peur, je constate tout ça, t'as des vapeurs. Tu vas pour pointer ton pied si je vends pas, en tout cas papy me vend pas. La merde me tente pas, moi je sais toi et bien je m'en vante pas. Quand on aime on compte pas, heureusement qu'on passe. Sinon contraire, mettez un contrat contre un proche avec moi, qui se la contra. Molo, t'as folle pas juste mon micro, pas un couteau. Utile pour appeler certains qui peuvent toujours se lever tôt. Le sale boulot, t'espère que tu le fasses à ta place. Trace, mais avant sache que si j'occupe ton espace. Si je t'écrase alors, c'est avec moi hélas que ça se passe. Pas mon habitude dans le rap, du rap, du supplémentaire. Allonge quelques billets, je verrai bien ce que je peux faire. Pas mélanger vitesse et précipitation, je suis un professionnel. Je bosse pour briller, bien griller le bise, commence à me payer. Professionnel. Je bosse pour briller, bien griller le bise, commence à me payer. Professionnel. Je bosse pour briller, bien griller le bise, commence à me payer. Professionnel. Je bosse pour briller, bien griller le bise, commence à me payer. Professionnel. Y'a mouvance à titan au mic, pas de panique, c'est pas le Titanic. Le type en stanic, lyrique, l'offre en parler, surtout pas de gimmick. Ma populace, dans populace, usée comme un jeune culasse. Pour le terre dégueulasse, FDF, cité, jamais de palace. Pas le temps que je paresse, ma gueule pas pour rouler, pelle et galoche. Quand j'ouvre un calache, aujourd'hui faut que tu me payes, que t'es calache. Insulte-moi, dis ce que tu veux, surtout me traite pas de lâche. Mon père, c'est pas de lèche, au coup du grain de café, surtout pas de laisse. Malgré elle est censure, sans un seul, le mort, c'est pour moi ça. Sans ça, c'est sans sas, les fans des censures, leur esprit sans du tout. Sur ce, une chose, garçon, viens pas sans sous parce que professionnel. J'bosse pour briller, bien griller le bise, commence à me payer. Professionnel.